En observant les différents degrés évolutifs de l'humanité terrestre, nous comprenons qu'une seule existence corporelle est manifestement insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qui lui manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui. Le sauvage, par exemple, pourrait-il jamais, dans une seule incarnation, atteindre le niveau moral et intellectuel de l'Européen le plus avancé? Cela est matériellement impossible. Doit-il donc rester éternellement dans l'ignorance et la barbarie, privé des jouissances qui peut seul procurer le développement des facultés? Le simple bon sens repousse une telle supposition qui serait à la fois la négation de la justice et de la bonté de Dieu et celle de la loi progressive de la nature. C'est pourquoi Dieu, qui est souverainement juste et bon, accorde à l'esprit de l'homme autant d'existence que cela est nécessaire pour arriver au but, et qui est la perfection. Dans chaque existence nouvelle, l'esprit apporte ce qu'il a acquis dans les précédentes en aptitude, en connaissance intuitive, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. Il est important de considérer aussi que l'esprit progresse également dans l'erraticité. Il y puise des connaissances spéciales qu'il ne pouvait acquérir sur la terre comme incarné. L'état corporel et l'état spirituel sont pour lui la source de deux genres de progrès solidaires, l'un de l'autre. C'est pourquoi il passe alternativement dans ces deux modes d'existence. Avec ces informations, il est possible de reconnaître, même chez un enfant, la somme de progrès que l'esprit a déjà atteint. Il suffit d'observer ses tendances instinctives et ses idées innées. Cette observation nous explique, par exemple, pourquoi il y a des enfants bons dans un milieu pervers, malgré les mauvais exemples, tandis que d'autres sont instinctivement vicieux dans un bon milieu, malgré les bons conseils. En vérité, ces enfants reflètent le résultat du progrès moral accompli, comme les idées innées sont le résultat du progrès intellectuel. Nous devons comprendre que, en essence, il n'y a pas d'obstacle au progrès intellectuel selon la philosophie spirite, mais il n'en est pas de même pour le progrès moral. Le plus grand obstacle au progrès moral est l'orgueil et l'égoïsme, selon les mots de l'esprit de la codification qui nous éclaire à ce sujet en affirmant « Je veux parler du progrès moral car le progrès intellectuel marche toujours. Il semble même au premier abord donner à ces vices, comme l'orgueil et l'égoïsme, un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique, et que du mal même peut sortir le bien. Mais cet état de choses n'aura qu'un temps. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a en dehors de la jouissance des biens terrestres un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. L'égoïsme et l'orgueil, comme toutes les autres imperfections capables de retarder la marche évolutive de l'humanité, arriveront un jour à leur terme, car Dieu réserve à l'être humain un bienheureux état de plénitude spirituelle. Mais pour l'instant, alors que nous nous trouvons dans le processus évolutif selon la loi du progrès, le bonheur suprême n'est le partage que des esprits parfaits, autrement dit, des purs esprits. Ils ne s'atteignent qu'après avoir progressé en intelligence et en moralité. »